payé. Il a racheté ma vie en donnant sa vie pour moi. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser. Jamais. Il m'a sauvé, je dis je ne peux pas. Je ne peux pas laisser. Il est ma vie. Mon salut, il m'a gardé, je dis je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. Il est ma vie, ma joie, je ma ne foi. Peux pas laisser Jésus. C'est lui qui m'a donné la santé. Sur les eaux, là, sans bateau. Jésus a marché sur les eaux, sans bateau. Il les a piétinés.